na na na na na na na na na na na na na. Je suis resté le même, quoi qu'on en dise, je fais ce que j'aime, c'est tout. Je fais ce qu'il est rageux et les jaloux. Je fume la veuve en temps de mauvais jours. En cas d'embrouille, je tendrai pas la joue. Laisse-les parler, non, c'est pas très grave. J'ai pas percé qu'ils sont de genre 30 t'es gras. Je suis fatigué, blasé, traîné en bas. Je représente les miens qui ont le même combat. Oh, qui ont le même combat. Là où le chétan te tend les bras. Oui, te tend les bras. Pour la mama, éviter les dégâts. Éviter les dégâts. Se faire péter pour quelques red bars. Non, non, la vie n'est pas facile, petit. Le bonheur ne tient qu'un fil. Oui, ne tient qu'un fil. On a déjà tous pleuré pour une fille. Le cœur est si fragile. Sûrement ma peine qui fait que je suis productif. Balance une prod que je kiffe. Sur n'importe quel type, je te fais la div. Oui, dans le vif, je vise. Dehors ou enfermé, c'est la devise. Viens faire un tour où je vis. Je t'assure que le ciel ici n'est pas si gris. Pourquoi chercher les ennuis? Un souci, j'appelle le frérot Teddy. J'ai confiance quand ma mif. Un hypercute pour toi, c'est fin de partie. Non, non, certifié par la street. J'ai pris du recul sur la rue et cette histoire. Les ragots, les frères au ciel. Et ceux qui finissent au star, à ceux qui rêvent de fuir autre part, de prendre un nouveau départ, une nouvelle histoire. Ils croient juste l'espoir d'un soir. Pas d'héros dans les cités dortoirs, ni dans les rangs des mecs au brassard. Tu laves qu'on lâche à l'enfant. Il t'étonne pas qu'il y a des affamés. Toujours plus fou, bien plus taré. Combien perdras-tu sur ce pari? Viré, banal, frère sur Paris. Je marche, rêve que je ne suis pas ici. Je rêve que je ne suis pas ici. Non, non, non, non, non, non. Je rêve que je ne suis pas ici. Na na na na na na na na na.